sur les différents trucs qui ont été dits, je trouve effectivement que c'est important et intéressant de faire le lien avec l'enseignement, parce que la mise en concurrence de tout qu'on a déjà dans la recherche, avec Parcoursup, ça arrive sur l'enseignement, et dans le plan licence qui arrive, il y a notamment l'idée de financer les formations en fonction notamment du taux d'insertion suite à la formation. Donc par exemple, une licence où les étudiants ne trouvent pas un boulot derrière ou ne vont pas en master serait moins financée. En plus de baisser le nombre d'heures de cours par étudiant, alors que c'est déjà le type de formation où il y en a le moins, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Et sinon, il y a d'autres trucs qui ont été dites et où on parle de l'Angleterre et tout, mais en fait, on peut regarder, genre, dans Paris, ça existe déjà, ces choses-là. Vous avez notamment toutes les écoles de l'Institut Minitélécom qui ne dépendent pas du ministère de la Recherche, mais qui dépendent de Bercy. Et eux, c'est déjà comme ça que ça marche. Hein. Donc là-bas, on est recruté en CDI, de droit public. Et ensuite, il y a une commission des noms. Alors, ça fait vachement ministère de la magie, commission des noms, mais en fait, c'est un truc de l'Institut Minitélécom qui décide si on est chercheur, enseignant-chercheur, etc., en fonction de ce que notre chef de département a décidé qu'on aurait comme service. Alors, ça peut se passer très très bien, on peut avoir une super négociation parce qu'on est quelqu'un qui fait plein de super papiers dans des grandes revues, et du coup, on dit genre, toi, tu vas faire plus de recherches, et du coup, on va t'appeler enseignant-chercheur, mais tu vas avoir 70 heures de service annuel de cours, et tu vas être payé 3000 euros net par mois, et puis tu auras des primes, etc. Et puis on renégociera tous les ans ton salaire parce qu'évidemment du coup il n'y a pas d'avancée comme sur les grilles des fonctionnaires, ou ça peut être toi du coup ton rôle c'est de faire 300 heures d'enseignement par an et tu t'appelles enseignant et puis ça nous arrange bien parce que du coup comme t'es non publiante mais pas dans l'évaluation HCRS, on n'a pas besoin de parler de toi dans les dossiers quand on candidate à l'ERC, et on n'a même pas besoin de te mentionner à la start-up Yellow Page qui sert à nous refaire nos dossiers ERC pour qu'ils soient mieux, et on a passé un marché avec eux, donc on est obligé de passer par eux pour tous les dossiers ERC. Bon, voilà, non, tout ça, ces choses là ça existe déjà chez nous, et vous inquiétez pas, ça arrive à l'université bientôt. Voilà, donc c'était pour raconter ça. Pour prolonger ce que tu dis, c'est effectivement le rapport à l'enseignement, moi je pense que ça me paraît très important de l'introduire, y compris sur cette discussion relative au système de publication scientifique, parce qu'on finit par raisonner comme si les finalités de la recherche et de la publication étaient les mêmes pour tous les chercheurs, dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, etc. Et on finit aussi par oublier la différenciation entre CNRS et université de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le rapport au public estudiantin n'est pas du tout le même dans les deux ensembles de gouvernance politique. Et ça rejoint la discussion sur la centralisation des bases de données et l'appétence pour l'exhaustivité. Qui, à mon avis, motive d'ailleurs beaucoup de guerres documentalistes, il y en a pas mal dans la salle, parce qu'effectivement, sur des recherches ciblées, si on avait la totalité des publications sur un seul système, le système A, effectivement, il y aura un gain de temps assez notable dans la recherche, dans les recherches ciblées et dans les recherches prospectives. Moi, je vois, alors, sur les humanités numériques, tous les ans, je fais un petit tour des 8 grosses bases de données pour voir un petit peu ce qui s'est passé pendant l'année. Bon, c'est sûr que si les 8 bases de données étaient fusionnées en une seule, j'aurais envie d'avoir 8 recherches à faire, j'en aurais une seule pour obtenir le résultat. Simplement, on oublie aussi que ces systèmes de publication scientifique ne sont pas destinés seulement aux chercheurs, aux scientifiques, chercheurs spécialisés sur un sujet. Et en particulier sur le domaine SHS, mais je suppose aussi SCM, il y a un autre public, c'est le public estudiantin, qui est extrêmement important. Or, plus ces bases grossissent quantitativement, plus elles deviennent inutilisables en utilisation directe par les étudiants sur les recherches respectives. C'est-à-dire, là, il y a le même phénomène Google, vous lancez 2-3 requêtes sur une clé, et vous vous retrouvez avec 10 000 références, et avec 10 000 références, vous lisez les 3 premières et vous arrêtez. Et donc, après, pour passer ce cap de la surabondance, il faut des médiateurs, il faut des guides. On retrouve la fonction médiatrice du professeur, mais aussi du bibliothécaire documentaliste. C'est-à-dire qu'il faut un deuxième interface pour rendre réutilisable par un public néophyte. On peut former des bases devenues surabondantes. Et là, je vois même sur une base comme Open Edition spécialisée en SHS, la surabondance est manifeste. Je vois les étudiants de l'E3, par exemple, sont incapables, on a voulu les renvoyer sur Open Edition, ils n'y arrivent pas. Si on leur donne une référence bibliographique, en leur disant, vous trouvez cette référence-là, ah ok, recherche ciblée, mais en recherche prospective sur un sujet, ils sont complètement perdus. C'est pour ça que cette valeur de l'exhaustivité, moi, me paraît très relative suivant qu'on leur examine les finalités de la recherche, comme dédiée à d'autres chercheurs spécialisés ou dédiée à un public plus large, les étudiantiens, voire au grand public, puisque pour les SHM, par exemple, on a un débouché grand public, beaucoup plus important sans doute qu'en STM. On irrigue des réseaux professionnels, des réseaux militants, des réseaux de journalistes, des réseaux de fonctionnaires, machin, des trucs, en permanence, secteur par secteur, bien au-delà du public étudiantin. Alors, on va essayer de la sûrement pas plus de si il y a des remarques aussi sur le. J'avais peut-être une petite remarque additionnelle un peu transversale, parce que par rapport à la quantification des données, il y a aussi la protection des données qu'on a vu apparaître, et par rapport à l'enseignement aussi la volonté que certaines données puissent être transmises à certains étudiants et pas à tous. Et donc non seulement on élimine certains chercheurs, mais on élimine aussi certains étudiants qui n'ont pas accès à ce savoir-là. Oui, absolument. Ça, c'est tout le problème de l'opacité de gestion des plateformes, qui sur Alba nous pose aussi en tant qu'utilisateur d'énormes problèmes, justement. Et l'opacité, les structures de discrimination sont complètement généralisées. J'ai découvert hier, la semaine dernière, aux États généraux volontaires, par exemple, on recherchait des statuts du FR. C'est-à-dire les règles de droit qui s'appliquent dans l'organisation des UFR. J'ai découvert que les étudiants, sur le même serveur, moi j'avais en tant que prof accès à ces documents, les étudiants n'y avaient pas accès. Tout ça. Et ça, les découvertes comme ça, plus en chef, plus en chef. Oui, mais c'est au point que certains enseignants n'ont pas le droit de transmettre certaines informations à leurs étudiants. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques à ce stade, Pablo ? Ouais. Moi, j'ai pas prévu de présentation de slide. C'est cool. Ouais. donc moi, je suis Pablo Rosy. Je suis maître de conférence en informatique à l'Université Paris 8. Je bosse sur la sécurité informatique et la privacy, mais pas du tout de ça que je viens vous parler. C'est plus en tant que militant que je suis là, parce que je bosse aussi beaucoup depuis. Un peu avant ma thèse sur les questions de libre accès, etc. Enfin, pour des questions politiques, c'est des choses qui m'intéressent. Et quand je commençais à venir à la recherche, je me suis intéressé à ces questions de librisme, d'accès universel, et enfin, tout ça dans le milieu de la recherche et donc au libre accès aux publications. Donc du coup, ce dont je voulais vous parler, c'était un petit peu de comment je vois le libre accès et ensuite le lien... qu'il y a entre les problématiques de ce truc de libre accès et de la bibliométrie, donc de la plateforme HAL, etc., pour au moins la France. Le libre accès, c'est clair pour tout le monde ce que c'est ? Non ? Donc l'idée du libre accès, c'est donc en gros la situation dans la recherche, je vais faire très caricatural, hein, d'accord, parce que sinon on va y passer beaucoup trop de temps. C'est que donc on a de l'argent public qui finance la recherche, ensuite on doit publier parce que c'est comme ça qu'on communique en recherche maintenant, et au moment de cette publication, la plupart du temps, l'éditeur qui va publier l'article, en échange de la publication de l'article, va demander qu'on lui cède les droits sur l'article et il va le vendre, l'article. Et du coup, pour faire de la recherche, on a besoin d'avoir accès aux articles, d'accord ? Parce que quand on fait de la recherche, vous savez que on part pas de zéro à chaque fois, sinon on n'avancerait pas. Et donc du coup, les labos, donc l'argent public, dans le cadre du financement de la recherche, rachètent ces articles-là, vu qu'il y en a besoin. Voilà. Donc ces articles, on paye pour produire de la recherche, ensuite on achète les résultats de cette recherche à nouveau, à des gens qui, donc du coup, ne l'ont pas financé. Et ce qui se passe au passage, c'est que, alors ça dépend beaucoup des domaines, mais dans le cadre par exemple de l'informatique, mais c'est aussi vrai en physique, la plupart du temps en maths, etc., le travail des éditeurs, en particulier des gros éditeurs multinationaux, des grosses multinationales, donc je pense à Elsevier, Wiley, vous connaissez ces noms-là, Springer, etc., ils se contentent essentiellement d'héberger un PDF. C'est le gros de leur travail, c'est ça, quoi. Ça et avoir des lawyers qui sont très très bons en escroquerie. Parce que, bah, par exemple, l'évaluation de la recherche pour savoir si on va publier l'article ou pas, ça fait aussi partie de nos missions de chercheurs. Donc du coup, c'est aussi fait, payer, enfin, c'est du salaire d'argent public, du coup, qui est payé. Donc voilà, on paye au moins 3 fois pour la recherche. Donc du coup, le mouvement du libre accès, c'est quelque chose qui se pose en réaction à ça et qui essaye d'être une solution à ça. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va mettre les articles à disposition de tout le monde sur Internet, gratuitement et sans qu'il y ait besoin de prendre un abonnement auprès d'une revue, d'une maison d'édition, d'une société savante, etc. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est très très large comme définition et qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire du libre accès. Les grosses maisons d'édition qui ont les capacités de faire du lobbying à Bruxelles, aux États-Unis, au Sénat américain, etc., eux, ils ont trouvé une solution qui leur plaisait très bien, c'est de dire « D'accord, les lecteurs, ils payent plus, donc c'est les auteurs qui payent. » Ça, ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place au point que quand on parle d'open access, la plupart des gens pensent que ça veut dire qu'il faut payer pour publier. Alors que c'est un modèle d'open access qui n'est pas du tout celui qui est prôné par les gens qui militent pour l'open access en général. Et puis ça pose plein de problématiques scientifiques aussi de savoir genre quelle est la légitimité de dans la question de est-ce qu'on publie quelque chose ou pas, de savoir si le laboratoire qui a contribué à faire cet article-là peut le payer ou pas, par exemple. Ça c'est très problématique au niveau de l'éthique scientifique. Voilà. Donc après, donc il y a plein de façons de faire du libre accès. Donc il y a essentiellement 3 voies qui ont été identifiées, enfin que moi j'ai identifié, mais que c'est, enfin ça vient pas juste de moi, hein, c'est des choses qui sont assez canoniquement acceptées. Il y a ce qu'on appelle la voie verte ou l'auto-archivage, où là ça consiste à mettre ses articles, les chercheurs et les chercheuses mettent elles-mêmes leurs articles dans les plateformes type ALP, mais pas que. Donc j'y reviendrai plus tard. Il y a ce qu'on appelle la voie dorée, parce que c'est censé être bien vu, c'était censé être mieux que la voie verte. Où c'est le libre accès directement par la revue. Mais donc ça, c'est ce qui a été dévoyé, où maintenant c'est la voie auteur-payeur, plus ou moins. Et il y a ce que, avec quelques personnes, on appelle la voie diamant, il y a des gens qui appellent ça platinium, il y a des gens qui appellent ça fair open access aussi, parce qu'on essaye toujours d'aller vers le mieux, et c'était déjà doré, c'était déjà pris, quoi. Où l'idée, quand on la pousse un petit peu loin, alors ça, c'est maintenant c'est des choses plus personnelles, c'est de faire de la recherche en commun. Alors un commun, il y a sûrement des gens dans la salle qui savent mieux que moi ce que c'est, mais comment moi je l'explique aux gens qui ne connaissent pas, c'est que c'est 3 choses. C'est une ressource à partager, un mode d'accès des règles de partage et une gouvernance. Donc dans le cadre de la recherche, la ressource, c'est les données de la recherche, les logiciels qui sont produits, les articles, etc. Le mode d'accès, ça serait l'accès en ligne, d'accord, donc avec toutes les limitations que ça comporte, hein, mais qui est le plus universel qu'on peut faire pour l'instant. Et la gouvernance, après, c'est une question qui, pour le coup, pose beaucoup plus de... Enfin, il y a beaucoup plus de pistes à explorer. Donc, des modèles comme ça, où la ressource, elle est immatérielle, de commun, on en a déjà, donc vous connaissez tous Wikipédia. Donc là, la ressource, c'est le savoir encyclopédique. Le mode d'accès, c'est pareil, c'est en ligne. Quand on accède à une ressource sur Wikipédia, c'est pas comme quand on cueille une pomme dans un arbre. La pomme, après, elle y est plus dans l'arbre. Sur Wikipédia, quand on voit une page sur son ordinateur, en fait, on télécharge la page, on en fait une copie, et elle reste sur le serveur, tout le monde peut encore y accéder. Les règles de partage, c'est grosso modo que quand on utilise Wikipédia, on peut aussi faire des modifications. D'accord, on peut améliorer les articles, etc. Et puis on a une licence à respecter. De si on veut citer, par exemple, réutiliser un article, il y a une licence Creative Commons à respecter. Donc il faut citer le fait que ça vient de Wikipédia, notamment. Et la gouvernance, elle est un peu compliquée sur Wikipédia, hein, mais donc il y a une institution, une fondation, la fondation Wikimedia, qui va assurer la pérennité du commun en faisant des campagnes d'appel aux dons régulièrement pour payer les serveurs, la bande passante. Donc ça, c'est au niveau de la gouvernance vraiment matérielle, de comment on fait exister le commun, mais il y a aussi toute la communauté. Donc ça, c'est chaque outil, donc c'est par langue que c'est organisé avec différentes règles, c'est les gens qui les établissent ensemble en autogestion, entre guillemets. On va avoir des administrateurs, des opérateurs, des médiateurs, et puis les gens tout un chacun qui va aussi participer à la page de discussion de chaque article pour décider ce qu'on en fait, si ça vaut le coup qu'il reste là ou pas, si on doit le fusionner avec un autre, s'il faut faire telle modification, si telle information est pertinente dans l'article ou pas, etc. Donc sur Wikipédia, c'est intéressant parce que on a une forme de centralisation très forte. Les serveurs, ils sont à un seul endroit. Et en même temps, c'est très décentralisé parce que ben, la gouvernance, elle peut se faire page par page et avec des communautés différentes à chaque fois. Et donc là, c'est un truc sur lequel je voulais revenir aussi par rapport au premier exposé, c'est qu'il y a deux notions très liées de distribution et de décentralisation, mais qu'il ne faut pas confondre. Et le truc, c'est que par exemple avec Wikipédia, donc je reste sur cet exemple pour l'instant, même si on a une gouvernance qui est très distribuée et qu'on pourrait voir comme décentralisée, au sens où chaque page peut être gérée par la communauté de... Je sais pas, par exemple, je pourrais participer à la catégorie cryptographie sur Wikipédia ou cryptologie et me faire une réputation là-dessus et avoir un peu plus de poids dans les discussions, etc. Bon, par exemple. Il n'empêche que la fondation Wikimedia, si elle décidait que bah, finalement Wikipédia en français, on n'en veut plus, il pourrait couper le serveur. Et de la même manière, quand je reviendrai sur HAL, une solution où on distribue comme ce qui a été proposé tout à l'heure, ça n'empêcherait pas d'avoir des politiques qui où on garde une gouvernance complètement centralisée de certains aspects, quoi. Bon. Donc ça, c'est donc l'histoire de la gouvernance. Donc pour revenir aux publications, l'idée, ça serait en gros, pour moi, de dire qu'on sort du modèle, on essaye de décentraliser au maximum au niveau de l'unité de publication. Donc moi, ce que j'imaginerais que j'aimerais bien, c'est que l'unité de publication, ce soit un article ou un logiciel accompagné de ses reviews, donc que tout soit signé, public, etc. Et qu'on sorte complètement même du modèle d'avoir besoin d'intermédiaires, en fait. Donc on pourrait avoir des comités éditoriaux, qui serait composé de comme les comités éditoriaux actuels, sauf qu'ils se doteraient d'une existence légale pour posséder le nom de la revue, entre guillemets, parce qu'actuellement c'est pas le cas et ça pose beaucoup de problèmes quand on veut transitionner une revue d'un modèle fermé à un modèle ouvert, puisque l'éditeur peut dire bah, d'accord, vous cassez-vous, mais moi je garde la revue et sa réputation, etc. Mais je reviendrai là-dessus au niveau de quand je parlerai de bibliométrie. Donc la gouvernance, qu'elle soit complètement décentralisée, c'est-à-dire que donc chaque, disons revue, pour faire simple, se dote d'une existence légale et soit composée de son comité éditorial, et les articles restent la propriété des chercheurs. Alors pourquoi c'est intéressant au niveau d'un commun que les articles restent la propriété des chercheurs et que la revue reste la propriété de son comité éditorial? Parce qu'en fait, c'est les personnes qui ont les intérêts alignés avec ceux de la communauté. L'intérêt d'un chercheur ou d'une chercheuse, c'est d'être lu, donc c'est que son article soit disponible le plus possible. Voilà. Donc, alors que l'intérêt de quelqu'un qui va vendre l'article, bah, c'est qu'il soit vendu, pas lu, et donc ça va être de le mettre dans des bouquets où on va le vendre en bloc à des vaches à lait d'argent public, comme des universités actuellement ou des consortiums, etc. Donc après, l'idée, c'est que malgré tout, et c'est là qu'on va venir à la bibliométrie à HAL. C'est problématique d'avoir quelque chose de complètement décentralisé parce qu'on a besoin d'avoir une découvrabilité. C'est pas un mot français, mais je sais pas comment expliquer ça. On a besoin que ce soit explorable et découvrable ce qui se publie, ce qui se fait en recherche. Donc, y a forcément besoin. On peut pas imaginer que chaque revue comme ça ait son propre système, même si c'est des systèmes super bien faits où on peut tout récupérer, tout est en libre accès, etc. Parce que ça serait pas du tout découvrable. Si on imagine par exemple que ce soit pas par revue mais par labo, par exemple, comme ça a été proposé tout à l'heure, si on dit juste ton truc avec les labos mais sans la fédération que tu avais proposé où on regroupe tout et tout ça, ça pose le même problème que les chercheurs qui actuellement disent mais si moi j'ai mis tous mes articles sur ma page web, j'ai pas besoin de les mettre sur HAL. Le truc, c'est que bah, gros, quand tu changes d'institution, ta page web elle est plus au même endroit, donc l'article on peut plus le trouver. Il y a un moment donné où toi tu vas plus être là, c'est triste, mais sauf que ta page web elle va disparaître aussi à un moment donné. Justement, la fédération résout ce problème. Oui, mais elle en pose d'autres. Il y en a un souci. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment donné où, pour des questions de découvrabilité et de pérennité, donc on a besoin que la recherche, on a besoin de savoir quand un article arrive dans son domaine, on a envie de le savoir. Et on a envie aussi que les articles soient archivés de manière pérenne. Donc ça veut dire que ce ne sont surtout pas les chercheurs qui doivent s'occuper de ça, par exemple. ça doit être fait dans les bibliothèques, dans les centres de conservation, enfin, genre par des gens qui savent faire, sinon c'est le métier, quoi. Donc, le problème qu'on a quand on fait ça, c'est que du coup, donc, on a deux solutions complètement extrêmes. Soit on centralise tout et tout est simple. C'est-à-dire que bah voilà, on met les articles sur HAL et c'est Alien2P3, ils savent très bien faire des backups. Il y a des backups même sur bandes magnétiques, etc. Enfin genre au niveau des données, c'est safe, c'est pérenne. On peut imaginer que c'est à peu près bien rangé, etc. Donc ça va être découvrable. En plus, il suffit d'y aller, de faire une recherche ou de regarder dans sa catégorie et c'est bon. Le problème, c'est que dès qu'on fait ça, bah on donne le bâton pour se faire battre parce que il y a tout qui est centralisé et qu'on peut faire des mesures. Et moi, ce que je défends, c'est qu'il n'y a pas de bonnes mesures. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'ai entendu parler du fait que les mesures, ça pouvait être utile. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Et toi aussi, tu as parlé du fait que... En gros, bon, je redis ça avec mes mots, parce que je ne me rappelle plus exactement ce que tu as dit, mais genre, le capital définit qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on ne mesure pas pour que ça l'arrange, lui. Moi aussi, je crois qu'il n'y a pas de bonnes mesures. Ok. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, à partir du moment où on met en place une mesure, que ce soit les trucs débiles genre H-index ou des choses plus compliquées de altmetrics, etc., auxquelles certaines personnes réfléchissent, mécaniquement, il y a une bureaucratie qui va se mettre en place dont le but va être de satisfaire cette mesure-là, et la mesure va plus pouvoir satisfaire le. Enfin, va plus avoir le rôle qu'elle s'était donné au départ, même si elle avait toutes les meilleures intentions du monde. Et donc ça veut dire que c'est pas possible d'avoir des bonnes mesures et que quels que soient les, enfin on peut pas regarder à partir du moment où on va faire des mesures, ça va être mal fait. Et même si on veut faire des bonnes mesures, comme le système, comme on mesure et que ça va servir à faire des évaluations et qu'il faut avoir des bonnes notes aux évaluations sinon on n'est plus financé, etc., ben on va chercher à satisfaire cette mesure là et plus à faire autre chose. Donc ça répond aussi en partie à la question de monsieur tout à l'heure sur comment ça change le travail des chercheurs au quotidien. Ben, ça va être que par exemple, plutôt que de faire une recherche et ensuite de dire bon on rédige un truc et ensuite on dit genre bon ben, ça y est là ça a l'air à peu près bien, ben, où c'est qu'on peut soumettre cet article, c'est pas comme ça que ça marche, hein, c'est on regarde alors c'est quoi les prochains appels à les prochains call for paper, les appels à publication. Ok, il y a ce truc là, bon alors c'est quel format, 12 pages, on a le droit à tant d'annexes, bon on peut faire tel type d'expérience, allez voilà, et on fait un article pour cette deadline. Donc déjà ça c'est un truc très terre à terre du quotidien, en plus du fait que on est dans un milieu où on nous a habitués à gérer notre propre misère, et en fait on se dit on donne le bâton pour se faire battre, mais en fait on se tape dessus tout seul en fait, concrètement, puisque je veux dire les évaluations et tout ça elles sont pas faites vraiment par des gens extérieurs en fait, enfin c'est nous qui faisons les évaluations des copains souvent. Oui, certes. Non, mais quand je dis c'est nous, c'est en tant que communauté. Moi, j'ai décidé de jamais participer à des appels à projets, des trucs comme ça. Certes, mais bon, je veux dire, mais c'est un choix qu'il faut assumer derrière. Enfin, tu vois, genre, et que pas tout le monde fait, pas tout le monde peut faire. Donc voilà. Et c'est des choses qui se traduisent très concrètement parce que, bah, par exemple, sur HAL, donc. Moi, je bosse avec une association aussi qui s'appelle CAPCH et qui fait l'outil de Dissémine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, on a des liens avec HAL, avec le CCSD, régulièrement. Et on s'est beaucoup disputé avec eux parce que, par exemple, HAL, qui depuis le début depuis que c'est le CCSD, parce qu'au début, c'était un mec du LKB, un physicien qui essayait de faire des choses bien, mais qui depuis le début prétend être un outil pour la science ouverte, etc. Il y a quand même pendant très longtemps, et ça a changé en partie parce qu'on leur a mis la pression sur certains trucs, pas que, hein, mais ça a joué, n'autorisait pas par exemple le dépôt du texte intégral, donc du PDF, si la notice n'était pas nickel. Par contre, on pouvait rentrer des notices sans qu'il y ait tous les auteurs et leurs 12 000 affiliations, genre où c'est impossible à faire, ça, il n'y avait pas de souci. Et du coup, en vérité, ce qui intéressait les gens qui avaient le pilotage politique, entre guillemets, de l'outil HAL, c'était d'avoir des notices, pas des textes intégraux, pas de... Enfin, c'est-à-dire l'open access, c'était l'open access washing, quoi. Je sais pas comment on doit dire ça, quoi, mais en gros, l'outil HAL, c'était un outil d'évaluation. De métadonnées. Voilà. L'idée, c'était d'avoir juste les métadonnées des articles, et c'était beaucoup plus simple de mettre des métadonnées d'articles incomplètes, parce que toute façon, tout ce qui était important, c'est qu'on sorte avec les noms de notre labo, que HAL puisse fournir la fiche toute faite pour l'ARS ou l'HCRS après, pour l'évaluation, et les textes intégraux des articles, les PDF, ça venait après. Donc, voilà. Donc, la vérité, c'est que dès qu'on fait de la centralisation, c'est pour faire du flicage. Et la centralisation, ça vient très vite. C'est-à-dire que même le système fédéré de tout à l'heure, si l'instance qui centralise elle est contre nous, on a beau dire on coupe nos données, ils ont déjà des données, et même s'ils n'ont pas des données complètes, ça les dérangera absolument pas de nous évaluer sur des données incomplètes, ils le font déjà, quoi. Voilà. Et par contre, le problème, c'est que si on ne fait pas du tout de centralisation, on a un outil qui n'est pas pratique du tout aussi. Donc, il y a un souci à ce niveau-là auquel il faut réfléchir, et c'est sur ça que je voulais. C'est sur cette question que je voulais lancer le débat après. Derrière. Ouais. Alors, question. J'avais juste un point sur les notices de Hal. Ouais. Dans la documentaliste qui fait chier les gens pour que le chercheur dépose correctement, c'est de façon. Il faut se poser aussi du point de vue très pragmatique qu'il n'y a pas de gens pour aller derrière. Nettoyer la base, qu'il y a des millions de notices, etc. Et puis, utilisable pour un usager, pour un usager mondial. C'est aussi, oui, très pragmatique aussi. C'est exactement ce qu'on m'a répondu à l'ISD. Mais en fait, à partir du moment où on autorisait des notices incomplètes, parce que par exemple, on n'avait pas mis toutes les affiliations des gens sauf celle du labo qui a rentré la notice, on pourrait faire la même chose en disant genre sur cette notice là t'as le droit quand même de mettre un PDF, et ça c'était interdit jusqu'à la version 3 de HAL en fait, parce que c'était une question politique de dire genre en fait ce qui nous intéresse c'est avant tout d'avoir des données complètes, et comme les gens ce qui les motive à mettre sur HAL, enfin ou c'est comme ça qu'on le vend, c'est d'avoir les PDF des articles, on leur demande d'avoir d'abord les données parfaites avant de mettre le PDF de l'article. Et ça c'était pour moi très problématique, parce qu'il y a plein de fois où je suis désolé, la notice elle est pas complète, mais sauf que ce qui est important c'est d'avoir le PDF de l'article, parce que concrètement un chercheur, ce dont il a besoin au quotidien c'est les noms des auteurs, parce que le titre de l'article, le résumé, le PDF, peut-être où ça a été publié et la date. Mais il y a beaucoup de trucs, genre les 12 000 affiliations de chaque auteur, honnêtement on en a rien à faire, quoi. Enfin, je veux dire, quand on voit maintenant, en plus, avec les communes, les trucs comme ça, les affiliations à rallonge qu'il faut rentrer, là, genre, où on a genre 15 institutions, il y en a qui reviennent deux fois parce que dans la hiérarchie, elles sont deux fois en parallèle et tout, genre, enfin, c'est des trucs complètement aberrants. Et c'est jusqu'à très récemment, HAL était, genre, était un outil bibliométrique avant tout. Et je pense que maintenant, c'est un peu mieux. Mais il faut encore se méfier de ça, quand même. Ouais. Juste rapidement sur le « il n'y a pas de bonne mesure », je vais un peu vite parce que l'historien des sciences va utiliser des mesures de manière intéressante. Il n'y a pas de bonne mesure. Tu parles des mesures d'évaluation. C'est pour ça que moi, je n'ai pas dit « il peut y avoir des bonnes mesures ». J'ai pas dit « il peut y avoir des bonnes mesures d'évaluation ». C'est ça que je veux dire. Et là, tu dis « il n'y a pas de bonne mesure ». Si, il y a des bonnes mesures, des mesures scientifiques. Ça a un intérêt pour plein de scientifiques, ces bases de données, justement, de la recherche, finalement. Mais effectivement, je n'ai pas parlé de bonnes mesures d'évaluation. Oui, d'accord. C'est clair, je voulais en revenir. Il y a des bonnes mesures, mais je crois que sur le domaine SHS, il n'y en a pas sur lequel tout le monde soit d'accord. Si tu définis bonne mesure comme la mesure qui me met moins en haut du classement, effectivement, il y a beaucoup de bonnes mesures différentes. C'est pour ça que je parle pas de classement. Là, je parle, par exemple, d'histoire des sciences, etc. C'est quand même aussi aujourd'hui, ces données-là sont des données pour les chercheurs, pas que pour des évaluateurs. Il faut quand même pas réduire ça. C'est tout à fait différent. Oui, mais là, on parle de lieux où on a des données potentiellement exhaustives. Et on ne peut pas jeter le bébé mesure scientifique avec le bain évaluation. C'est aussi des ressources, des silos de données passionnantes pour la recherche. Et donc, il faut trouver une façon de permettre cette recherche-là, dans les data, dans les données, dans les données, etc., qu'elle soit exploitable pour des chercheurs pour faire la recherche, mais pas, justement, et c'est là où je dis, effectivement, il y a un labo qui dit, moi, je veux bien passer mes données à HAL, tant qu'elles sont exploitées par un chercheur en histoire, sociologie, des sciences, tout ce que tu veux, et à partir du moment où je vois qu'elles sont exploitées pour ça, je coupe. Parce qu'il ça, peut y avoir des données intéressantes pour bien des chercheurs. Et ça, ça me semble être une solution technique à un problème qui n'est pas du tout un problème technique, en fait. Parce que déjà, ça va être une solution technique qui ne marchera pas. Parce que tu peux couper. Tu vas un peu court là-dessus, mais. Tu peux couper à un moment donné, mais les données, elles ont déjà été récoltées, par exemple. Oui, mais on va peut-être pas évaluer le système technique tout de suite. De toute façon, il reste à modéliser beaucoup plus largement. Ouais. Mais si on parle aujourd'hui de centralisation des données, on parle là de la question de la problématique de l'évaluation qui est réelle, mais on ne peut pas faire ce débat en disant, bon, bah, dans ces cas-là, on n'a besoin d'aucune mesure, parce que par ailleurs, ces mesures servent aussi à des choses intéressantes. Et c'est là où on a un vrai problème, parce que s'opposer complètement à l'existence de ces données massives finira par être un problème, pas pour les chercheurs qui auraient pu les utiliser intelligemment, évidemment. C'est ça qu'il faut qu'on défende. Donc évidemment, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Mais on peut pas faire ce débat en disant tout simplement, bon, allez, les données massives sur les chercheurs et les chercheurs, il n'en faut pas du tout parce que ça va... Voilà, c'est justement parce que j'ai dit que le problème, il est politique et pas technique. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est interdire politiquement de faire des mesures d'évaluation parce que les données, on a besoin d'avoir une certaine centralisation pour qu'elles soient exploitables. Un aspect de votre discussion, un enjeu qui émerge de votre discussion, c'est l'enjeu de la réversibilité de la centralisation des données. Non pas sur le plan technique, évidemment, c'est réversible, mais sur le plan sociologique et politique. C'est pas vrai que c'est réversible sur le plan technique, je suis d'accord. Ben. Ah oui, parce qu'à cause du clic. Moi, je pense que oui, c'est réversible. Mais c'est réversible à partir du moment où tout le monde joue le jeu. Ou en tout cas une partie joue le jeu, ou éventuellement tout le monde, en tout cas, je suis d'accord que c'est très dur à envisager au point où on en est aujourd'hui, de centralisation, de systèmes techniques qui ne sont pas du tout développés de manière décentralisée en donnant l'autonomie aux chercheurs, aux labos, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que parler de ça, ça semble extrêmement loin, mais c'est tout à fait envisageable. À moyen long terme. Et quelque part, il faut aussi envisager ce genre de système et se battre pour, techniquement. Mais il y a une sacrée modélisation. On n'est pas obligé de rester dans des systèmes façon DOI qui centralisent, on n'est pas obligé de rester sur des plateformes chez qui on verse les choses physiquement. Et ça, c'est des choses qu'il faut évidemment travailler techniquement. Ça ne va pas se faire comme ça. Il faut modéliser ces. Mais on a énormément de techniques qui permettent de penser des systèmes comme ça. Donc, c'est un peu dire et il faut s'en donner les moyens, surtout. S'en donner les moyens. Et après, effectivement, si certains coupent, c'est déjà ça. Si tout le monde avait la possibilité de couper, ce serait encore mieux. Et d'avoir, du coup, une autonomie politique des labos sur l'utilisation de leurs données. Ce que te répond Pablo, quand même, c'est que ce que tu dis est vrai tant que la base de données est c'est-à-dire complètement protégé, non duplicable. L'expérience de CIEUB ces 5 dernières années montre que le hacking massif sur quand même 75 millions d'articles provenant des serveurs américains principalement est possible. C'est-à-dire protéger une base est loin d'être évident. Mais alors là, loin de moi l'idée de dire que c'est évident. Mais je trouve que là, ça prouve bien, à mon avis, la différence entre mesurer pour un chercheur et quantifier quand c'est l'État qui le fait. Et que le problème de HAL, c'est... Le problème de HAL, tel que j'ai l'impression que tu voulais le poser aujourd'hui, c'est l'idée que ça devienne une norme qu'on est obligé de suivre parce qu'il y a un pouvoir qui nous l'impose, a priori l'État. Et donc, du coup, si on ne le fait pas, on n'est pas reconnu, et du coup, on ne participe pas à la communauté, parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle la communauté. Enfin, en tout cas, qui a une capacité de régulation. Si il y a un serveur russe qui pompe mes articles, et que moi, en fait, je fais des livres qui sont imprimés et qui ne sont jamais mis en PDF, le serveur, il peut rien. Le problème, c'est que si mon employeur me dit « t'as pas le droit de faire des livres » ou « t'as le droit de faire des livres, mais tu ne seras pas payé pour ça », c'est un hobby, ça force la modification des pratiques. Donc, c'est là où il y a une différence entre... quantification au sens de transformation du réel par la façon de le représenter et de le gérer, et uniquement mesure où là, évidemment, chacun a le droit de définir les mesures qu'il veut. Elles auront d'existence que quand il convaincra des gens que c'est les bonnes mesures. Et s'il n'arrive pas à convaincre, ou si ça reste dans son labo ou avec ses chercheurs, s'il n'a pas de pouvoir extérieur pour l'imposer, c'est une mesure, c'est pas une transformation qui produit des effets. Et alors, pour le dire dans l'autre sens, c'est pour essayer d'être moins négatif. Il y a un livre au moins qui s'appelle Stat Activisme, qui est publié par un certain nombre d'anciens élèves d'Alain Desrosières, qui étudie les différents exemples de tentatives de construction de statistiques alternatives qui ont essayé de s'imposer, de se construire comme rapport de force, et donc d'agréger des gens qui vont le reprendre, qui vont le suivre, qu'on peut évidemment rapprocher de l'idée du libre, des projets collectifs, etc., ou des communs. L'idée qu'on va se donner des outils et des dispositifs quantitatifs qui vont mesurer et du coup redéfinir ensemble quelque chose et qui vont agréger des forces pour le soutenir. Je pense à un exemple qui est, à mon avis, positif, au moins, enfin oui, très très loin, c'est la mesure des violences domestiques. Ça n'existait pas. Il y a un certain nombre de féministes qui sont mis à essayer de les comptabiliser, comme elles ont pu. Au début, c'est pas très solide. Et puis, à un moment où ça devient un problème très visible, du coup, on arrive à agréger des rapports de force, et pourquoi pas une reconnaissance de l'État. Après, on peut avoir une discussion sur est-ce qu'au moment où il y a une reconnaissance de l'État, du coup, on perd le côté un peu subversif et militant. Mais enfin, on gagne quand même un certain nombre de choses sur la question des violences domestiques. Voilà, on a, à mon avis, différentes situations où le fait de quantifier, ça peut aider... Tu parlais que des mesures bibliométriques. Moi. ...à produire un contre-truc. Mais ça peut être faire apparaître que les économistes hétérodoxes, ils produisent quelque chose d'intéressant et ils sont lus. À un moment, ça peut passer par une mesure. Mais du coup, ça veut dire qu'on fait l'effort de produire des choses qui sont mesurables ensemble parce qu'on a un objectif spécifique. Et puis, au moment où on a réussi à lever la mainmise... On remet les marxistes à se battre avec les keynésiens, parce qu'évidemment, on est d'accord sur rien, à part qu'on est opprimés ensemble par les marxistes. Mais ça n'empêche de, voilà, d'un moment, mais parce qu'on garde nous le contrôle sur la façon dont on a décidé de faire nombre ensemble. Voilà. Je pense que le contrôle, c'est le point clé, en fait, de tout ça. Parce que là, tu es en train de me parler de mesures qui sont faites par les gens sur leur propre travail, en fait. Oui, mais c'est les bureaucrates, c'est quand même. Ça produit une bureaucratie quand même, mais qui est pas, enfin, c'est ça peut être dynamique, quoi. Parce que tu penses que c'est le genre de mesure qui pourrait aussi influencer la façon dont les gens travaillent. Bah, si tu veux être mesuré keynésien et marxiste ensemble, il faut publier dans les mêmes revues, il faut soutenir. Bon, mais j'arrête sur ça. Par ailleurs, c'était pour essayer d'être positif. Parce qu'en fait, ouais. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant. Je suis dubitatif. Ouais, juste une petite question. Vous dites un chercheur, il doit être lu. Comment sait-il qu'il est lu? S'il n'y a pas les yeux. On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais c'est pas grave. On ne le sait déjà pas, en fait. Quoi. Oui, mais c'est-à-dire que si vous savez, si vous êtes discuté, si ce que vous avez fait est discuté. Oui, mais ça continuera de discuter. Si ce que vous avez fait discuter, si à un moment, on peut quand même le mesurer. Oui, mais est-ce que la discussion est un critère de qualité? On peut estimer qu'il y a des qualités, enfin, on peut affiner d'autres. Mais être lu, a priori, si vous écrivez quelque chose, vous pouvez dire oui, je suis lu. Moi, j'écris, je m'en fous de savoir si je suis lu ou pas. On me le dit, tiens, vous avez été lu. Je m'en fous. Mais parce que je suis complètement en dehors du système. Non, mais... Et vous, si vous êtes dans le système, vous avez bien besoin de savoir si vous êtes lu. Et comment le savoir, c'est si vous avez été discuté, mais comment savoir si vous avez été discuté parce que vous avez été lu, si on ne mesure pas? En lisant, de toute façon, on le voit en lisant les articles de sa discipline, on voit qu'on est lu, qu'on n'est pas lu, cité ou pas cité. Est-ce qu'on a besoin d'une mesure complète? C'est déjà une mesure, finalement. Bah, c'est pas une mesure, c'est un constat, c'est. Voilà, mais est-ce que c'est pas une mesure, puisque on voit qu'on a été cité par un indice de cité évoquée. Ensuite, vous êtes donc, c'est que vous avez été cité, c'est que soit c'est juste en bibliographie, c'est juste une note de bas de page, référence machin, voire de 18, mais sinon vous pouvez avoir des propos discutés. Donc après, il y a plein de mesures autour de la bibliométrie, de combien de fois vous avez cité, combien de fois vous avez repris, ben, c'est des mesures. Et ça, c'est pas forcément. Je suis d'accord avec votre idée. C'est pas forcément ça qui est important. Ouais, voilà. Ouais. C'est ce qu'il disait, un chercheur a besoin d'être lu. Non, j'ai dit qu'il a envie d'être lu. Voilà, ça flatte l'ego de se sentir lu. Non, mais surtout. La flatterie de l'ego et qu'on a besoin d'avoir la recherche qui suit. Ouais. Surtout, c'est. Enfin, moi, ce que je voulais dire surtout, c'était que. si on est assez libre de faire la recherche qu'on veut, et si on fait un truc, c'est parce qu'on pense généralement que c'est important ou intéressant, et du coup on veut que ce soit disponible pour les autres. C'est surtout ça que je voulais dire, c'est dans le sens où on veut être lu, c'est-à-dire qu'on veut que les gens que ça puisse intéresser puissent nous lire. Après, savoir qui nous a lu, quand, comment, combien de fois, moi je m'en fous pas en fait. C'est une potentialité en fait. Oui, c'est ça, c'est d'avoir la. C'est ça. C'est que quand quelqu'un tombe sur. Fait une recherche et tombe sur mon article, qu'il se dise pas genre, ah mince, c'est un PDF de 6-7 pages, je sais même pas s'il est intéressant, il faut déjà que je paye 30€ pour avoir accès au truc. Et après, en plus, il va y avoir des. Il va faire référence à d'autres travaux, et pour que je puisse comprendre ces travaux-là, il va falloir aussi que je lâche 30€ pour avoir accès au PDF. Enfin, c'est plus ça le problème. C'est que, voilà. En fait, moi, je m'intéresse pas à la potentialité, oui, la voilà, possibilité ouais. de. Donc, faut que je le dise. Moi, je voudrais revenir sur la corrélation là, que vous avez dit, entre l'audience de lecture et puis quelque chose de la qualité du contenu. Les papiers les plus discutés que j'ai écrits sont ceux où j'ai écrit le plus de conneries. Ah, c'est un vrai problème quand même. La relation qualité-audience, la polémique génère de l'audience très facilement. Est-ce que c'est parce qu'il y a des bêtises qui sont les plus discutées ou est-ce que c'est parce qu'ils sont les plus discutés qu'on voit les bêtises? Je pense que les bêtises génèrent des réactions. Les erreurs génèrent des réactions en critique et augmentent la mise en discussion. Alors que, je ne prendrai pas comme exemple, mais j'imagine que mes collègues ont des papiers si magnifiques qu'aucune critique n'aura jamais été adressée. Et ça veut dire qu'ils sont bien. Mais historiquement, vous me corrigerez sûrement, je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui savent, mais la bibliométrie, ça a été inventé pour gérer les fonds des bibliothèques, ouais. Pas pour faire avancer le travail des chercheurs. C'est plus les commentaires qui nous intéressent que le nombre de personnes qui ont ouvert l'article. Et ça, je crois que c'est un gros point de malentendu culturel avec le monde des bibliothécaires, c'est le monde des anciens chercheurs. Effectivement, il y a un outil normalisé dans la pratique pour une finalité, pour des finalités spécifiques, de composition de catalogue, etc. Parce que ça coûtait trop cher de tout acheter. Comment ? C'est parce que ça coûtait trop cher, ça commençait à coûter trop cher de tout acheter et qu'il fallait sélectionner qu'est-ce qu'on achète. Ouais. Et donc il a fallu inventer un moyen de dire qu'est-ce que. Mais on n'aurait pas eu besoin de l'inventer si tout était librement accessible. Ce qui n'était pas vraiment possible à l'époque. Du coup, quand on enquête un peu auprès des détecteurs de documentalisme, enfin, moi, tous les retours d'entretien que j'ai eus, c'est de dire mais on utilise la bibliométrie comme un indicateur parmi d'autres. Oui, oui. Une information parmi d'autres pour faire nos choix de catalogue, mais c'est jamais l'algorithme qui nous décide quoi acheter. Il y a aussi toutes les discussions latérales entre bibliothécaires documentalistes, avec les collègues chercheurs, avec les collègues avec les étudiants, avec tout l'environnement. Et il y a les bouquets des grands éditeurs aussi. Alors nous, on la retrouve utilisée de façon complètement mécanique dans les systèmes de gestion des ressources humaines. Aussi mécanique qu'on vient de le voir avec Parcoursup. Oui, c'est... La décision est prise par l'algorithme, mais non plus du tout par les éléments. Il me semble qu'historiquement, la bibliométrie, enfin, connectée à la sociométrie, dans les années 50-60, avec Garfield et les autres, c'était aussi un outil de connaissance, qui était très connecté avec la tradition de la première sociologie des sciences, et que très tôt s'est posé la question de l'évaluation, mais en fait, après. Mmh. Et peut-être qu'aussi, hier, je pense que c'était un outil de gestion, comme ça a été dit pour les bibliothécaires, etc., mais c'était aussi un outil de connaissance qui a été renversé. Ils s'en sont rendus compte assez tôt, mais assez rapidement. Il y a d'ailleurs son espèce de trajectoire dans l'histoire de la discipline, qui a fourni des outils pour. Permettre cette évaluation, c'est quoi qu'on naturalise aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aussi repenser sur cette dimension de petite connaissance que je pensais notamment au titre de Jean-Claude sur la bibliométrie, un bon usage. Du bon usage de la bibliométrie. Ça, donc il y avait cette tentative de récupérer dans ce que tu disais sur le réflexivisme aussi, de récupérer un outil pour le retordre de telle sorte qu'on reproduise de la connaissance avec. Et alors après, ça produit des effets hyper intéressants. Tout à l'heure, j'étais dans des. Sur les sites de scientométrie, on a eu des pages de chercheurs qui sont pleines de listes de publications, donc de gens qui travaillent sur la fièvre de la publication, ils publient sur Berry, je publie sur Berry, etc. Et ils publient, mais en rafale, des articles en aussi nature, etc. Et donc, à la fois, ils utilisent l'outil pour mettre au jour ce genre de tendance assez lourde hein, de la recherche, et eux-mêmes, en tant que chercheurs, produisent et sont presque les victimes hein, de cette quantophrénie d'explication. C'est quand même assez troublant. Hein. Et donc là, il y a une espèce de dilemme normatif assez compliqué à gérer. Et les chercheurs les mieux armés en fait, pour penser ces questions-là sont les méthodes les plus pris dans cette étude de la firme, de l'évaluation connectée à la scientométrie. Je ne sais pas du tout comment penser la chose. Hein. Mais j'étais sidéré en fait, de voir cette efflorescence de publications de chercheurs, notamment à l'UQAM, un gros réseau de scientomètres, qui font un bon boulot par ailleurs, hein, à la rivière, etc. Mais je regardais les citations, c'était impressionnant. Enfin, les publications, peut-être 15 papiers par an. Parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc aussi qui fait que je suis très critique des systèmes de bibliométrie, c'est que un système de scientométrie ou de bibliométrie, il va être utile qu'à partir du moment où il peut être utilisé sur une population assez large. Parce que si en gros les critères ils sont valides que pour ta communauté, bon bah déjà il y en a 15 en France, enfin finalement s'ils doivent s'évaluer entre eux, autant qu'ils lisent leur papier et qu'ils fassent les choses sérieusement quoi. Et en fait le problème c'est que dès qu'on est sur plusieurs communautés, moi je vois rien que sur l'informatique et juste avec mes potes, on avait des pratiques tellement différentes d'une communauté à l'autre au niveau des publications, c'était complètement, on se rendait bien compte, c'était complètement absurde d'utiliser les mêmes critères pour nous évaluer quoi. Eux ils ont, donc nous il y a les trucs qu'ils utilisent en informatique, c'est les rangs des conférences là. Donc il y a des conférences dans le domaine d'un pote où il a fait sa thèse qui sont des conférences à étoile super bien et tout, mais où ils prennent 40% des papiers, il y a 2000 publications par an, et dans ce domaine là tout le monde publie genre 10 papiers par an, et dans le domaine où j'étais moi, la meilleure conf, le top du top, comme c'est un domaine spécialisé d'un sous-domaine, elle était rang C à cette époque là, bon maintenant c'est passé rang A depuis, mais elle était rang C parce que c'était un domaine qui était en train de démarrer. Et du coup, genre, même les grosses publications du domaine, les trucs où genre, ça avait 14% d'acceptation dans la conférence, elles étaient invisibles dans les cours. C'était invisible. Et du coup, pourtant, c'est deux domaines de l'informatique dans le même département d'un même établissement, quoi. Et donc, à ce moment-là, tu dis, genre, c'est juste impossible de faire des machins métriques qui vont être valides sur, qui vont être utilisables, quoi. C'est possible, mais c'est problématique. Ouais. J'espère que vous avez quelque chose, puisque je suis d'accord avec ce que vous expliquiez. Effectivement, la bibliométrie, c'est un instrument d'analyse. Pour le coup, moi, je suis en sociologie de la culture, notamment d'édition. On l'utilise énormément, notamment, je travaille avec Thérèse Zapiro, et on a constitué une base qui reprend en fait, l'ensemble des traductions en sciences humaines et sociales sur 20 ans, du français vers l'anglais, vers l'espagnol, vers l'allemand et vers l'italien. Ce qui est intéressant dans la bibliométrie, c'est qu'elle permet d'objectiver, en forme d'administration, hein, de la preuve, elle permet d'objectiver, grâce à la quantification, des phénomènes sociaux. Et donc, là où c'est intéressant, c'est quand on compare les résultats quantitatifs avec le point de vue des éditeurs, des chercheurs de droit, des chercheurs, etc. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, donc, quand on génère ces bases-là, évidemment, on ne reprend jamais tel quel. En même temps, il n'y a pas un seul sociologue, il n'y a pas un seul historien qui reprend ces matériaux tels quels et qui ne les objectifent pas, qui n'objectifent pas son propre point de vue. Enfin, en même temps, ça fait partie aussi de notre travail en tant que chercheur. De toute façon, on ne récupère jamais de données telles quelles, il faut un moment où on les, comme vous dites, on les retord, on les objective. Ça fait partie quand même de notre connaissance. Donc, de toute façon, déjà, quand on reprend ces bases-là, moi, je parle de ma propre expérience, hein, mais quand on reprend ces bases-là, bah, déjà, on change les variables, c'est-à-dire qu'on rajoute des variables, on en retire d'autres, de manière à ne pas avoir le simple point de vue, en fait, en termes de référence biographique, mais en l'occurrence, on était parti d'une base qu'on avait générée à partir des lettres. Donc, il y a tout un travail aussi de dépouillage, et puis après, il y a l'analyse aussi. Et c'est vrai que c'est un outil heuristique qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet l'administration de la preuve. C'est vrai que la bibliométrie, elle a des usages. Il y a des manières aussi de construire la base de données qui peuvent effectivement parfois être récupérées. Pour notre cas, pour les traductions par Gallimard et Seuil, il n'y a pas grand chose qui était intéressé, mais. Et encore, peut-être. Mais ça dépend effectivement. Mais je pense que la façon dont les bases sont générées, la façon dont elles sont analysées, la façon dont les modalités sont codées aussi, ça permet aussi de prendre une certaine distance avec des approches effectivement détournées et qui peuvent biaiser dans les perspectives de gouvernance. D'autres remarques sur l'intervention de Pablo sur la bibliométrie. Accès ouvert. Il va falloir que tu présentes. Comment ? Il va falloir que tu interviennes aussi. Je pense qu'il ne faut pas jeter l'accès ouvert parce qu'il y a de la bibliométrie. Ah non. Parce que sinon, on ne fait plus de recherche. Donc, il faut vraiment faire attention. Tout à l'heure, il y avait la discussion sur le fait d'être lu. Mais c'est vrai que si on veut augmenter les connaissances, il faut bien qu'on ait lu les travaux, certains travaux qui nous ont précédés. Est-ce que c'est pour être lu ou c'est simplement parce qu'on met à disposition de toute la communauté nos connaissances? Alors ensuite, c'est détourné par le biais de la bibliométrie, mais c'est un détournement, je crois. La bibliométrie peut être utile dans certains cas. Quand elle est utilisée ensuite pour classer, pour choisir, etc., elle va déformer effectivement la vision ensuite. Donc je crois qu'il faut vraiment faire attention entre l'open access et pas mélanger open access et bibliométrie directement. Donc juste, je peux réagir sur ça juste. Bien sûr. Ouais. Sur ça, par exemple, y a des solutions, par exemple, de décentraliser, mais par exemple pas du tout par institution ou des choses qu'on a envie de mesurer, justement, mais par discipline, par exemple. Donc, dans la discipline où j'ai bossé au moins pendant ma thèse, donc en cryptologie, par exemple, il y a un truc qui s'appelle l'IACR, l'Association Internationale de Recherche en Cryptologie, qui gère un e-print, donc une espèce d'archive, mais qui est une archive qui n'est pas du tout, genre c'est un truc qui est fait à la main, complètement à l'arrache, on peut même pas faire une recherche dedans. Par contre, il y a quasiment tous les papiers de crypto qui y passent en temps réel, même avant qu'ils soient publiés, quasiment tout est dedans. Et en fait, malgré tout, tous les papiers de crypto quasiment du monde, si on y va tous les jours ou tous les deux jours sur ce truc-là, il y en a quoi ? Il y en a 5, 10 nouveaux peut-être, et ça va très vite de lire juste les titres et de voir s'il y en a qui sont de notre domaine ou pas, parce qu'évidemment il y a plein de sous-domaines là-dedans. Et s'il y en a un de temps en temps qui est de notre domaine, donc ça va arriver une fois ou deux par semaine, peut-être un peu plus, on lit l'abstract et on voit si c'est intéressant ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout être utilisable pour faire de la bibliométrie, déjà parce qu'on ne sait même pas où sont les gens. Il y a juste titre, PDF, la date où ça a été rajouté, enfin l'année juste même, et l'abstract. C'est tout. Et en fait, c'est super utile comme outil. Enfin, genre ça m'est arrivé pendant ma thèse de mettre un article dessus et d'avoir des retours avant même de soumettre l'article à une conférence, et donc du coup d'avoir déjà une première review qui m'a permis d'améliorer l'article, où on m'a invité à un séminaire par exemple par rapport à un article que j'avais posé là-dessus. Donc là, on a vraiment l'aspect tout ce qu'on aime dans le libre accès, quoi, sans qu'il y ait aucun truc de centralisation au niveau d'une institution, d'évaluation, de... Parce que c'est juste l'association qui organise des grosses conférences de crypto, qui gère ça, qui s'autogère en fait. Non mais ils sont gentils. Ils sont... Par le miracle qu'en crypto, les gens ils ont l'habitude de que tout soit cassé tout le temps et de réparer eux-mêmes. Et... Non mais enfin, c'est un domaine où par culture du domaine, les gens ils sont pas du tout. Ça arrive par exemple qu'il y ait des petites controverses où ça commence sur un blog carrément, qui va finalement, l'article de blog va être cité dans une vraie publication à la fin, ce qui est impensable dans beaucoup de domaines. Mais là, ça commence quelqu'un sur un blog qui dit genre ah, ce matin j'ai pété ça, regardez. Puis il y a quelqu'un qui dit, qui réagit en mettant sur l'e-print un papier, puis quelqu'un qui dit j'ai répété ton truc, et finalement 6 mois après il y a un papier où tout le monde est co-auteur dans la conférence, et en fait il y a eu plein de publications et les gens ont suivi ça comme un feuilleton entre temps. Et du coup c'est... Il y a plus cette culture de pas du tout cacher les résultats jusqu'à ce qu'ils soient publiés, etc., comme il peut y avoir dans certains domaines où les labos sont vraiment en concurrence et où il y a des gens qui sont sur des projets où s'ils publient pas en premier, c'est fini, ils peuvent plus publier, quoi. Ça existe dans certains domaines, en biologie, en chimie, des choses sur certains trucs expérimentaux comme ça. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait. Donc ça aide aussi à avoir la culture scientifique du truc qui permet de mettre en place ce genre de choses-là. Mais ça, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... Il y a des différences tellement énormes de culture entre les disciplines que c'est difficile de faire quelque chose qui va être utilisable pour tout le monde. Et donc forcément, les capitalistes néolibéraux qui veulent nous évaluer, quand eux, ils veulent une mesure où genre ils ont un chiffre qui évalue, qui peuvent comparer tout le monde, bah, genre comme sur Parcoursup, quoi. Les lycéens, ils viennent de 15 lycées différents, enfin, je dis 15, ils viennent de 200 lycées différents, ils n'ont pas fait les mêmes types de parcours, etc. Mais il faut quand même tous les classer sur une liste à une dimension, quoi. Oui, enfin, qu'ils utilisent, qu'on utilise, hein, moi je suis responsable d'une L1, enfin, c'est, même si on veut pas faire le truc, à la fin, si c'est pas nous, c'est le rectorat qui le fait, et d'ailleurs, même quand on le fait nous, c'est le rectorat qui repasse par-dessus, donc, et c'est hallucinant, en fait, donc, c'est pour ça qu'il dit que vraiment, c'est difficile de... Enfin bref, voilà. Et je voudrais revenir sur votre phrase, ne pas jeter l'accès ouvert avec la bibliométrie, parce que c'est un argument qui revient souvent dans la défense de l'accès ouvert. Je me souviens d'ailleurs, je pense qu'un épisode peut être abonné à la liste accès ouvert ici, que l'argument m'avait été opposé dans une discussion, tout à fait dans le ton de discussion aujourd'hui, avec quelqu'un, sur le coup j'avais pas réagi, j'étais un peu assommé par l'argument, puis après j'ai jamais réagi, qui disait oui. Géographie, c'est comme un marteau. Un marteau, ça peut servir à tuer quelqu'un, mais c'est pas pour autant qu'on interdit la vente ou l'utilisation du marteau. Ce qui est faux sur le plan pénal. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est que tout dépend du contexte d'utilisation et de la modalité d'utilisation du marteau. Le marteau va être interprété comme une arme blanche s'il sert à autre chose qu'à enfoncer un clou, par exemple. Et pour la bibliométrie, c'est la même chose. Il n'y a pas une bibliométrie, il y en a plusieurs. Tout dépend du contexte et des finalités d'utilisation. Et c'était là où j'ai mis en vue. Enfin, sur l'accès ouvert, c'est pareil. Dans votre phrase, il y a un présupposé d'accès ouvert unique. Dans son principe, on a un peu tort toujours de parler de l'accès ouvert au singulier. Y a pas qu'une, comme pour la bibliométrie, il n'y a pas qu'une forme, une seule modalité d'accès ouvert. C'est-à-dire qu'on peut très bien être, ce qui est le cas à peu près nous tous ici, favorable à l'accès ouvert, mais ne pas être d'accord sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Et là, sur HAL, c'est typiquement la discussion à choc. Ce n'est pas sur le principe de l'accès ouvert, c'est sur toutes les modalités pratiques en tant qu'elles permettent de poursuivre d'autres finalités qui ne sont pas forcément la finalité affichée d'accès ouvert. Pour reprendre encore une autre discussion qui avait eu lieu sur la liste accès ouvert, c'était Marin Pécos qui m'avait opposé aussi dans une controverse sur l'argument du dépôt légal. Un jour, il me sort, mais vous êtes contre les enregistrements obligatoires de dépôt, et pourtant, le dépôt légal en France... les 5 siècles qu'il existe, il n'a jamais posé le moindre problème à quiconque. Là, j'avais répondu à Marin en lui envoyant un petit article d'histoire, pris sur le BDF d'ailleurs, qui rappelait que le dépôt légal avait été créé par François Ier, certes officiellement pour archiver la mémoire comme le copyright, hein. C'est un peu comme l'accès ouvert aujourd'hui. Mais politiquement, pour censurer le protestantisme. Et la finalité principale du dépôt légal, c'était la censure du protestantisme. Ce qui nous ramène exactement sur les SHS, sur les controverses paradigmatiques, c'est-à-dire, de la même façon que le dépôt légal a permis d'écarter les écrits protestants, le dépôt légal sur HAL permettra d'écarter beaucoup de choses, beaucoup de paradigmes minoritaires, orthodoxes, divergents. Et y compris les pensées innovantes, parce que le problème des pensées innovantes, c'est qu'au départ, elles sont subversives en tant qu'elles sont à contre-courant. Donc si on laisse se construire des systèmes qui écartent les pensées nouvelles, pour faire la science, il y a du souci à faire. Tous les grands chercheurs dans l'histoire qui ont été pionniers ont été parias. Tous, quasiment. Donc finalement, c'est positif. Comment ? Il faut un système qui fabrique des parias. Absolument. Et pas qui les élimine. Parce que si on élimine les parias, franchement, dans l'histoire de la science, il ne reste pas grand-chose. Les éliminer, non, mais tu veux dire quoi par éliminer les sortir d'un laboratoire, par exemple. Ah oui, si tu veux. Ah oui, d'accord. Donc, on parle vraiment du fait d'une mauvaise évaluation, sortir. De l'anticipation d'une mauvaise évaluation. Oui, bien sûr.